vérité, ces questions sans réponse ne volent pas très haut. Le tonnerre gronde, c'est effrayant. Les vrais se reconnaîtront, je parle des frères. Le ciel tombe, je finirai trempé. C'est fou, dans ma tête j'ai cette voix qui résonne. Sous la tempête je marcherai gaiement. Vous pouvez toujours vous faire un avis sur ma personne. De toute façon, y'a que mon frère qui me connaît vraiment. Yeah, on finira tous par terre. N'oublie pas que tout va bien tant qu'on voit le ciel. Et si c'était tard fait, je le ferais même si la route n'est pas parfaite. Malgré la tristesse, j'écouterai mes peurs. Pendant que ce maudit pilon fait tous ses mes rêves. N'attends pas que l'avenir vienne écourter tes pleurs. Ne l'oublie jamais, c'est la pluie qui fait pousser les fleurs. Le tonnerre gronde, c'est effrayant. Tonnerre gronde, c'est effrayant. Les heures noires, la lumière n'est pas loin. N'attends pas que la fleur fane pour sentir son parfum. Il ne suffit que d'un mauvais pas pour perdre sa vie, gros. La faucheuse ne prévient pas, je pense à Pino. La larme à l'œil, je ne la retiendrai pas. Elle tombera sur ma feuille, je me sens teubé. L'essentiel était sous mon nez. Pourquoi ai-je causé du tort à celle qui m'a tout donné? Belle ton âme est mise à mal. J'ai les pieds dans la boue, ce serait dommage si attardé. Un goût aridé des peines, c'est ce qu'on retient. Je me suis vu changer sous ta ruine, grave tout ton air. La vie est belle si on le veut bien. Moi je préfère danser sous la pluie, chialer sous le soleil. Le tonnerre gronde, c'est effrayant. Tonnerre gronde, c'est effrayant.